C'est pas avec deux kills que tu deviens le monument. Recommence, recommence, t'arriveras pas à la romance. Recommence, recommence, t'arriveras pas à la romance. 34 est l'attitude. 34 est l'attitude. 34, on arrive, 34, on arrive, 34, on arrive tout doucement. On arrive tout doucement. 34 est l'attitude, on est abondant, tu peux plus nous stopper. Vu la puissance qu'on a accumulée au fil des années, prêt à dégainer et tirer un trait sur tout ce qui nous dérange. Ça te démange de nous faire couler, coller un PV parce que t'es un enculé. Tu pourras rien changer, ces immigrés qui ont tout reconstruit. Et maintenant vous leur dites, partez d'ici. La fainéantise est un vilain défaut. Mon gros, maintenant t'es dans la merde. Ils sont plus nombreux que tu croyais. Tu croyais quoi toi, que tu pouvais nous exploiter et après nous virer. Et à cause de toi, les différences de couleur de peau ne s'assemblent pas. Vous croyez en Dieu, le comble, c'est qu'il a la même gueule que leur. Nique leur croyance, leur ambiance et leur laisse que la déchéance. C'est vous qui niquez notre oxygène et tout ce que j'aime. J'aime toutes vos magouilles, vous embrouillez là, vous me cassez les couilles. C'est un ancien de lettres, je suis pas là à la fac des lettres. Et tout doucement, mais rapidement, tu tomberas dedans comme une rage dedans. Tu fais du mal à ta famille qui sonne à la merde. Et faut des putas, tu parles mal de ma famille, de mon coup. Passe-moi une canette, Canado, KCW, se rajoute le G de Greco. J'ai plus de mère, j'aimerais habiter une villa près de la mer. Ici c'est la merde, comme jouer au foot au City, dans la rue. On nous appelle les voleurs de poules, car nous soignons de la haine. Contre la police, la BAC, le magistrat, l'État, le juge et l'avocat. Assez dit que ça te l'arrive, on touche pas le RMI. 34, 100% des jeunes, prends un avocat ou prends le Beretta. Repousse tout d'un revers de main, remettre un rêve à demain. Tout défoncer, les pieds joints, la corde au cou, plein d'embrouilles. Des coups et tout s'affirme sur le ghetto blaster. Quand les faux blasphèment, c'est la merde, cassette. Alors casse-toi, mais putain, place-toi. Parce qu'en fait, on est tous des nomades, on sait pas où on va atterrir. Tu te mets en pensée quand tu vas mourir, mais faut vivre malgré tout, malgré les fous qui te malmènent. On est dans un mal-être, fatigué des kilomètres parcourus, rester dans le chemin de la rue. Tu crois que ça nous amuse, c'est vrai qu'il y en a qu'abuse. Faut trouver la ruse, faut faire sa ruse. Engagement, arrangement, on trouve l'embranchement. Nos têtes en danger, business arrangé, la haine engrangée. En fait rien n'a changé, de toute façon c'est le crime. L'état, la nique, les tasses, la trime, le taf, la frime, la casse. Passe, efface ton casier, retombe sur la case billet. Tout commence même par dealer. Mais dis-leur que tout ça, ça va un moment. Et c'est pas avec deux kills que tu deviens le monument. Au menu, rien sous la dent, tout dans les talons. Parce que trop joue les étalons, étale les soi-disant talents sur la toile, veulent niquer mon blason et me laisser sans mots. Pas possible, j'ai un stylo et j'ai soif, alors sors la carafe et verse de l'encre parce que j'ai le cafard. Regarde ta tête quand t'es sur les shots, t'as de grosses couilles mais t'es qu'une fiotte. Recommence, recommence, t'arriveras pas à la romance. Va prendre ta douche, va faire la mouche. Amère dans les magasins, crache sur les sarrasins qui se mettent n'importe quoi sous la veste. Reste sans reste, teste toujours les gestes. Tu mangeras plus de fromage quand tu seras au chômage. Technique, tu ne parles du technique, toujours les mêmes critiques. Avance, avance, t'arriveras pas à la manigance. T'as pas fait l'ENA, l'argent qui en a. Surtout pas les jeunes qui sont dans la rue, mal rasés, mal vêtus, environnement vêtu, la vie nous affuse. Merci à tous qui m'aident, même si tu te reconnais pas, je sais pour qui je plaide. Pas beaucoup qui tendent la main, trop qui font les radins. J'avais pas le choix, je voulais pas venir chez toi, pourtant c'est clair, je t'apprécie. Je pourrais en faire plus d'un récit au bord de ce récif. Certains remuent le canif dans la plaie pendant que t'essayes de m'appeler. J'étais pas toujours présent, mais ce que je te dis, je le ressens. Merci encore à toi qui me donne encore plus qu'à toi.